Pas d'heure. Quand j'étais en face de moi, difficile de calmer mes ardeurs. J'avoue que sur Insta, t'as le profil d'un joli menteur. J'essaye pas, si t'as l'intention de voir ailleurs. J'avoue qu'on m'a dit qu'avec toi c'était perdu d'avance.